La música d'Andreu Waters, amb aquest Tu me oblidé, és una de les cançons que escoltem també en el dia d'avui. Us dèiem una cançó de la Josephine Baker. Bé, és aquest tema que es diu Madiana. Le chant dans la ramure. être accepté. Avant tout, aime-toi. Avant de vouloir être aimé. Il t'aimera, rassure-toi. S'il est fait pour toi, il sera celui qui t'aidera à t'accepter comme tu es. Il t'aimera, t'épaulera pour t'aimer comme Dieu t'a fait. Il sera toujours là. Si cet homme est fait pour toi. La Music, amb Rafael Corbí. Hey, ménage tes efforts, reste les bras croisés, tourne les pouces avec l'air blasé, visage impassible, un peu trop désinvolte, caractère pénible, esprit de révolte, détaché de tout. Toujours en retard, quand arrive au travail, le roi des peinards. Faut voir la tiraille, sans aucun scrupule. Ta peine à ramasser et qui te stimule. À part un délire, détaché de tout. Qui nous sépare, n'éprouve ni crainte ni désir. N'est touché par rien ni personnel, ni plus ni moins pour contredire. Ailleurs, misère à concentrer comme un décrocheur, pas très motivé, ne sachant que faire. De paresse incurable, pas de commentaire. Reste confortable, détaché de tout. Qu'il nous sépare, n'éprouve ni crainte ni désir. chez tout. Ris de toi-même, dites la surtout. Ris de moi-même. És la Teresa, Teresa Montcalm, així es diu. Teresa Montcalm podria ser un cognom també del nostre país. Doncs no, és quebequesa. I diuen que és una de les millors intèrprets de jazz que hi ha en aquell país. De deixar de tot, es deia abans Priscilla, en Crontoa, i també ara tenim una altra veu femenina, en aquest cas des del 1967. Avui amb el programa especial final de temporada de Hola la Música, escoltem a Juliette Gréco amb una de les seves cançons d'aquell EP. Crec que totes elles eren d'una pel·lícula que es deia Playtime, però no estic segur que aquesta, en concret, també en formés part. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite, sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir par le soleil et les rivières. On vient à la maison, il y a le printemps qui chante. On vient à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin. Va renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Els seus grans èxits de Claude François l'escoltàvem aquesta cançó que recollia amb aquest àlbum que ens aportava un recopilatori des del 2001 amb una de les seves cançons, aquest personatge que primer havia enregistrat sota pseudònim abans de fer servir el seu, es deia Coco. Així és com ens portava. Gràcies per les històries que alguns dels nostres oients es expliquen sobre aquests grans artistes. Leo Ferrer, en Sasa i Christophe amb Rock Montsier ens acompanyen amb els propers minuts. Atenció que aquesta és una peça llarga d'en Leo Ferrer des del seu album Metamec del 2000. Com les galets, ma poule. Le bonheur. Il faut le tenir en laisse. Oh, le bonheur. Ça te dit rien? Si par hasard tu me rencontres, j'ai un compte à régler. Qui sait pourquoi? Je m'appelle Zaza. Zaza, les bras en croix. Bonheur, c'est un paquet qui roule. Le bonheur, à chacun, à chacune. Oh oui, le bonheur, t'as qu'à le prendre en fait. T'as qu'à le prendre sur le fait. Le bonheur, c'est un chagrin qui roule comme les galets. Là-bas, comme les galets. Là-bas, par hasard, tu me rencontres. Change de trottoir. toi. Si par hasard tu me rencontres. Bonheur, c'est un chagrin qui roule. Bonheur, comme Pierre qui n'amasse pas mousse. Tout ça, des conneries, tout ça, c'est la vie. C'est la vie. Je m'appelle Zaza. Le bonheur, c'est un machin, en fait. Le bonheur, t'as qu'à le prendre sur le fait. Le bonheur, t'as qu'à le foutre en laisse. Et puis tu laisses. Tu laisses pisser le mérinos. Tu laisses pisser le mérinos. Oh ouais, mérinos. Par hasard tu me rencontres. Si par hasard tu me rencontres, j'ai un compte à régler, tu sais quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Je m'appelle Zaza les bras en croix. Le bonheur, tu vas voter mon connasse. Le bonheur, pour qui tu vas voter, connasse. Le bonheur, va te faire empâter. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Si par hasard tu me rencontres, change de boulevard. Je m'appelle qui ça, qui ça. Je m'appelle qui ça, tu le sais bien. Bonheur, c'est de la misère en Dior. Oh, le bonheur, j'en veux, j'en veux. Encore bonheur, si par hasard tu l'as, je te fais savoir que je te fous trempe. Bonheur, si par hasard tu me rencontres, rappelle-toi, y'a pas qui le sait, salope, salope qui dit bonheur. Quand ça t'arrive, tu mets les voiles. Oui, le bonheur, moi je mets les voiles. Là-bas, là-bas, là-bas, où ce qu'il y a Zaza. Oui, où ce qu'il y a Zaza. Oui, oui, oui. Zaza, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Si par hasard tu me rencontres, change de tailleur, change de mode. Et surtout que je te reconnaisse pas si par hasard tu me rencontres. Thank you. oui, oui, bonheur. Ça s'en va dans la foule, bonheur. Bonheur, c'est un mot très ancien, oui. Très ancien, oui, très ancien. Très ancien, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et même usé, le bonheur. Quelle gueule ça. Moi, je ne sais pas. Music amb Rafael Corbí. Rendez-vous Ivy Street. I am une good affair. Poker replongé. Money, money, faites tomber. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Topu, ravagé. Chanson, tube d'acier. Voiture, j'ai le dossier. Et stop, je suis planté. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Le joint, comme plombier. Rasmotte en suqué. Téléphone dérangé. J'coumoune comme pas vrai. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Costume mal coupé. Cheveux mal rasés. Galère comme je t'aime, Aya, joli garçon. Mais si vous aimez, monsieur, voilà du rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rock, c'est mieux. Rocks, rocks, rocks, rocks, rocks, rocks, rocks, rocks, rocks, rocks, rocks. Recte final del nostre programa, la música del cantant nascut el 1945, en Daniel Bevilacqua. Lacroix. És un cantant francès nascut als suburbis de París. Christophe, es deia amb aquesta cançó. No sense agrair amb un dels oients que de tant en tant també ens visita amb els nostres estudis i que ens porta de tant en tant doncs, música, com per exemple aquest àlbum d'en Kenji Girac, del nostre estimat intèrpret. Un disc publicat el 2020, un disc que és excel·lent, es diu Mi Vida, de fet. És una mica l'aproximació a les diverses cançons que trobem en aquest àlbum fins a 11. Per tant, deixeu-me que us porti alguna de les cançons que formen part d'aquest darrer àlbum de Kenji Girac. J'ai bien compris le poids des mots, à chacun son fardeau. Je ne regarderai plus derrière moi s'il le faut, je roulerai sans rétro. Mais le temps a tout effacé, avec le temps tout s'en va. J'aimerais te parler de ces choses qui s'en vont et ne reviennent pas. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Je vois les gens, m'ont-ils remarqué? Là sur le banc, nulle part où aller. Dans la spirale qui m'emporte, voudrais m'envoler. Et puis la vie vient et balaye les souvenirs de notre enfance. Quand j'étais gosse, moi je pensais que rien n'avait d'importance. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Rouler sans rétro, repartir à zéro. À chacun son fardeau, ferme les yeux sur mes défauts. C'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Pardonner à tous les humains, de pardonner les mauvais chemins, même de rien. C'est pardonner à tous ceux qui s'aiment, de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça, c'est vieux, c'était pas nos deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux, c'est pardonner. être à deux, c'est pas donné. C'est pas donné de tenir longtemps, mais tu m'as donné du sourire souvent, infiniment. C'est pas donné de braver les mers, je me ferai ton phare, ta lumière. Si tu te perds, moi j'ai pu me tromper parfois, on a pu se tromper cent fois. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, s'aimer, être à deux c'est pas donné. Évidemment, fermer les yeux sur le passé, être à deux c'est pas donné. Se tromper sans doute, tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer, être à deux c'est pas donné. Évidemment, fermer les yeux sur le passé, être à deux, c'est pas donné. Res, que una vegada més arribem fins al final del nostre programa i de la música de arrel francesa, la que escoltem aquí a Olala Música cada setmana a través d'aquesta emissora. Com sempre, donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més. Acompanyar-vos des de Palafrugell és tot un plaer, i totes les emissores doncs, que setmanalment tenen a bé de portar-vos aquest programa, i també present a les xarxes socials a través de Facebook i de les altres xarxes en les quals hi som present. Una abraçada ben cordial a tots, esperem retrobar-nos també ben aviat en la propera temporada, i esperem que continueu escoltant-nos doncs, en programes que us portem, perquè ja en tenim 164, per tant, podem posar vos alguns amb les properes setmanes, que sens dubte no ens trobareu pas a faltar. Kenji Girac, gràcies a en Carlos per aquest extraordinari disc d'en Kenji, d'aquest gitano català, i que moltes vegades ha fet servir els videoclips, les imatges del nostre país. Hadidi és la darrera de les cançons, va ser el primer senzill, tots tres temes, número 1 a França, que acabem d'escoltar. El primer d'ells, duet amb Jims. Fins la propera. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. A reveure. Là, quand tu ris, quand tu pleures, quand plus rien ne compte à tes yeux, c'est la vie, n'aie pas peur, rien au monde est plus fort que nous deux. Qui a dit que les fleurs ne poussent que près de chez eux? Là, ils diront que c'est mieux qu'on se quitte, l'amour, l'amour, la raison vaudrait mieux qu'on se laisse, mais mon amour, je me souviens bien encore quand tu me disais, ya habibi.